Anne. Bonjour à vous tous, nous sommes le 15 avril 2022, voici les grands titres de cette édition. Les responsables des médias échangent ce vendredi avec ceux du Conseil national de la communication ainsi que ceux du ministère de tutelle, les défis entravant leur travail. Ils ont évoqué notamment la précarité des moyens, les conditions de vie des journalistes et le manque de professionnalisme, surtout dans le journalisme en ligne. Et certains conducteurs de motos de transport rémunérés demandent au maire de la ville de Bujumbura de surseoir à l'interdiction d'acheter du carburant en bidon. Une campagne de distribution des médicaments de lutte contre l'oncocercose débute lundi prochain dans certaines communes de la province Chibitoke. Et la population ne prend pas les médicaments contre cette maladie à cause des croyances occultes. Et dans la chronique environnement, nous évoquerons les facteurs de la déforestation, dont l'usage du charbon de bois ou du bois de chauffage. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. La précarité des moyens des médias, les conditions de vie des journalistes et le manque de professionnalisme, remarqués surtout dans le journalisme en ligne, sont quelques défis entravant le travail des médias burundais. Lors d'une session d'échange avec les responsables des médias ce vendredi, Thierry Kitamoué, assistant du ministre en charge de la communication, a promis que le ministère, en collaboration avec le Conseil national de la communication, vont réfléchir sur une bonne stratégie de mieux outiller les journalistes en connaissance de base. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. Les défis sont énormes. En tête vient la précarité des moyens. Les médias et les journalistes sont devenus nombreux et le gouvernement ne pourrait, sans appui des partenaires multiples, résoudre ce problème. Gardons l'espoir, car l'espoir fait vivre. Avec l'assainissement des relations avec les partenaires au développement, le fonds d'appui aux médias finira certainement par être renforcé par de nombreuses contributions. Le ministère lance la énième fois l'appel aux partenaires pour qu'ils aident à alimenter le dit fonds. Le deuxième défi, celui du manque de professionnalisme, est survenu avec l'avenir de l'Internet. Avec l'Internet, en effet, les professionnels n'ont plus le monopole de la production des contenus. Ces contenus sont alors loin de respecter les normes du métier. Les citoyens burundais consomment souvent alors des informations contaminées. Et pour une bonne écologie de l'information, beaucoup de séances de renforcement des capacités des journalistes seront organisées. Nous verrons notamment comment renforcer le centre de formation des médias pour aider les journalistes. Et en attendant, cet Internet qu'il ne faut ni rejeter ni idolâtrer contient les modules qui peuvent aider bon nombre de confrères à améliorer les prestations. Un autre souci non moins important pour les médias et les journalistes, ce sont les difficultés à accéder aux sources d'information. Nous allons dialoguer avec nos sources et nous avons déjà la promesse de nos partenaires. La Benevolencia, qui nous appuie déjà, va nous aider également à organiser une série de rencontres avec ces sources. L'assistant du ministre en charge de la communication, Thierry Kitamoya. La libération des bénéficiaires de la grâce présidentielle, mais qui sont encore en prison, et le recours aux peines palliatives sont certaines préoccupations soulevées par les élus du peuple devant le Premier ministre qui présentait hier le rapport de mise en application des programmes du gouvernement devant les deux chambres du Parlement. Alain Guillaume Wignoni a indiqué que ces bénéficiaires sont en train d'être libérés progressivement et que des préparatifs pour la mise en application des peines de substitution sont en cours. On fait le point avec Moïse Misago. Ces élus du peuple ont des inquiétudes sur le nombre élevé de détenus dans différentes prisons. Selon cette députée, il y a des détenus qui sont acquittés par la justice, mais qui ne sont pas relaxés. Nous savons qu'il y a beaucoup de détenus dans les prisons, alors que vous aviez le plan de les désengorger par l'accélération des procès et que les détenus soient libérés quand ils sont acquittés. Mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de détenus qui ont été acquittés, mais croupissent toujours dans différentes prisons. Nous demandons que les détenus acquittés soient relaxés. Cet élu du peuple s'interroge sur l'état des lieux de la mise en application de la grâce présidentielle de 2020 et la mise en exécution des travaux d'intérêt général comme peine palliative. Le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle pour certaines catégories de prisonniers afin de désengorger les prisons. Qu'est-ce qui manque pour mettre en application cette grâce présidentielle? Et encore, où en est avec le programme des peines de substitution pour les peines mineures? À toutes ces préoccupations des députés, Le premier ministre affirme que les prisonniers sont en train d'être libérés et promet l'accélération de cette opération. Des préparatifs pour la mise en œuvre des peines de substitution sont en cours. Alain Guillaume Bougnoni. Infliger les travaux d'intérêt général est en cours de traitement. Il y a des préalables pour qu'à la place de la prison, le détenu fasse les travaux d'intérêt général. Alors, l'endroit où ces travaux peuvent être exécutés doit être aménagé. Les moyens pour les surveiller aussi. Les travaux de l'intérieur de ces centres nécessitent de moyens financiers pour une bonne préparation. La loi est là, mais il y a d'autres qui sont en cours de préparation. Sinon, on peut les faire sortir pour ces travaux, puis ils disparaissent. Le chef du gouvernement burundais ajoute qu'il y a plus de 250 000 dossiers des prisonniers et nécessite un temps suffisant pour le traitement. La population carcérale est aujourd'hui estimée à plus de 13 000 prisonniers et plus de 5 000 étaient concernés par la grâce présidentielle, selon l'Organisation de défense des droits des détenus Ntabariza. Merci Moïse. La production de l'huile de palme est passée du simple au double les 10 dernières années. Explication de Christian Nimubona, directeur agronomique à l'Office de l'huile de palme. Quant au prix de ce produit qui n'a cessé d'augmenter sur le marché, il explique que l'huile de palme, qui dans le temps était uniquement destinée à la consommation, est aujourd'hui utilisée comme matière première à la fabrication d'autres produits. Suivez-le au micro de Charles Macotte. On était habitué à l'huile de palme rouge. Et c'est une catégorie de l'huile parce que l'huile de palme peut être transformée en plusieurs produits. Alors, à l'époque, on était habitué au seul huile de palme rouge. Mais aujourd'hui, avec le développement industriel qu'on remarque dans le pays, l'huile de palme est en train de devenir une matière première pour beaucoup d'usines ou d'industries. C'est pourquoi nous voyons notamment d'autres sous-produits qui sont en train de se multiplier, qui sont produits à partir de l'huile de palme, notamment les savons liquides, les huiles raffinées, les savons cosmétiques qui viennent prendre une part de l'huile de palme rouge pour l'envoyer dans ce système industriel de transformation. L'augmentation des prix serait alors lié essentiellement au fait que l'huile de palme qui était naguère utilisée dans l'alimentation uniquement est en train d'être une matière première pour d'autres produits. La production va en augmentant depuis que nous avons adopté le programme soutenu par le gouvernement du Burundi d'extension de la culture de palmiers à huile et de reconversion des vieilles palmeraies. Depuis 2012, la production n'a fait que augmenter. Aujourd'hui, nous sommes à autour de 28 000 tonnes d'huile par an, alors que dans ces années 2010-2012, on était à autour de 12 000 tonnes. Sur une durée alors de 10 ans, nous remarquons que la production a doublé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nouvelle de Provence, une campagne de distribution des médicaments de lutte contre l'oncocercose débute lundi prochain. Le directeur adjoint du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité, Dr Maurice Nkurunziza, demande aux autorités administratives, aux responsables des confessions religieuses, aux médias et autres, de s'impliquer dans la sensibilisation de la population afin qu'elle y réponde massivement. Alexis Dairagic. Sur les collines de Nyamakarabo, Nyemond de la commune Mugina, Nyabundele de la commune Mabayi, Rugano de la commune Mugui, Rukana 1 et 2 de la commune Rugombo, certains habitants ne répondent pas aux campagnes de distribution de médicaments luttant contre l'oncocercose. Associé du ressort de Deonima, responsable du programme de lutte contre l'oncocercose dans les provinces Chibitoke et Bouvanza. Certains responsables des centres de santé évoquent le comportement des adeptes de certaines confessions religieuses qui se cachent derrière leurs croyances, comme ceux des ébis, certains dits laïcs et d'autres dits abayoboke qui ne veulent pas prendre ces médicaments. À part ce cas, d'autres ne prennent pas ces médicaments puisqu'il est interdit de les prendre lorsqu'on a pris des produits contenant l'alcool. Dans la réunion de mobilisation des autorités administratives, les représentants des confessions religieuses, les responsables des centres de santé, les médias, tout ce jeudi, le chef du cabinet du gouverneur de Chibitoke, Anicet Saïdi, a demandé à la population de répondre à cette campagne pour éradiquer son fléau. Dr Maurice Nkurunziza, directeur adjoint du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité, a demandé aux responsables des confessions religieuses, aux autorités administratives, aux médias et autres de s'impliquer pour la réussite de la campagne de distribution des médicaments luttant contre l'oncocercose et les verminoses qui va commencer le lundi de la semaine prochaine. Plus de 700 personnes étant le cible de ceux qui qui vont prendre le médecin, luttant contre l'onchocercose, et plus de 420 000 prendront le médicament luttant contre les verminoses. Où l'objectif de la réussite de la campagne est fixé à 80%. Depuis Chibitoke, Alexis Deragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Les réformes des programmes d'enseignement, le manque criant de matériel didactique et d'enseignants ainsi que les effectifs élevés des élèves, voilà les défis qui minent le secteur de l'éducation burundi, tel qu'évoqué lors d'un atelier de consultation régionale sur les états généraux de l'éducation. Les provinces du sud du pays étaient réunies à Makamba ce jeudi. Les différents intervenants dans cet atelier ont souhaité la redynamisation de ce secteur. Correspondance d'Élise Cuisère. Le secteur éducatif burundais connaît actuellement bien de défis à l'instar des réformes des programmes d'enseignement, manque d'enseignants qualifiés, de matériel didactique, ainsi que les effectifs éminents d'élèves, tels qu'ils ont été évoqués dans un atelier de consultation régionale sur les états généraux de l'éducation qui a opposé les provinces d'Isida Makamba. Professeur et directeur des services académiques à l'école normale supérieure, Vincent Javarimana, dans sa présentation, parle de seuls 9% d'écoles d'enseignement technique qui sont moyennement équipées selon les données de l'année scolaire 2020-2021. En conséquence, le niveau des élèves régresse le constat des états généraux dans cet atelier. Les différents participants dans cet atelier ont relevé l'incapacité d'expression des élèves, non seulement en langues étrangères, mais également en kirundi. Pour cet effet, ils demandent à l'État de redynamiser ce secteur éducatif en équipant suffisamment les écoles. À propos du kirundi, ils proposent que ce cours soit mis dans tous les programmes du système éducatif burundais, y compris dans les sections d'enseignement technique. Depuis Makamba, Élise Cuisera pour la radio Isanganiro. Et certains conducteurs de motos de transport rémunérés disent avoir mal accueilli la décision du maire de la ville de Bujumbura interdisant l'approvisionnement du carburant en bidon. Ils lui demandent de sursoir à sa mise en application puisque même ce carburant s'obtient à peine ces jours-ci. Marie-Claire Kazenetz. Certains des conducteurs des motos de transport rencontrés au nord de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils ont mal accueilli la décision du maire de la ville qui interdit l'approvisionnement du carburant à l'aide des bidons dans nos jours qui ne peuvent pas franchir certains endroits de la ville de Bujumbura. Même les conducteurs des taxis précisent qu'ils utilisent plus souvent les bidons pour s'approvisionner du carburant lorsque leurs véhicules sont en panne. Ces conducteurs demandent que la mise en application de cette décision interdisant l'approvisionnement du carburant à l'aide des bidons ne soit pas immédiate du fait qu'ils obtiennent à peine le carburant dans nos jours. La situation est ainsi au moment où le maire de la ville de Bujumbura a sorti ce jeudi le communiqué interdisant la distribution du carburant dans les bidons. Dans ce communiqué, Jimmy Atungimana précise que seuls qui ont l'autorisation du ministère de l'Hydraulique ont droit de recevoir le carburant à l'aide des bidons. Actualité internationale. Le Royaume-Uni va envoyer des migrants illégaux au Rwanda afin que leur demande d'asile soit examinée. Les personnes qui y seront réinstallées recevront un soutien comprenant jusqu'à 5 ans de formation ainsi qu'une aide pour leur hébergement, leurs soins de santé afin qu'ils puissent s'épanouir. Un accord a été signé ce jeudi à Kigali entre Priti Patel, ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le Rwanda qui offre déjà refuge à près de 130 000 réfugiés originaires de plusieurs pays, dont des voisins comme la République démocratique du Congo, le Burundi, ainsi que ceux venant de l'Afghanistan et les migrants de Libye. Vincent Biruta explique que de nombreux Rwandais savent ce que cela signifie d'être déplacés et que cela a façonné leur approche de la migration et de l'asile. La région de l'Afrique de l'Est est confrontée à la perspective très réelle de pluies insuffisantes pour la quatrième saison consécutive selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'Organisation des Nations Unies. Cette sécheresse historique placerait l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie dans une situation d'extrême difficulté inédite depuis 40 ans. Il est 13h12 à Bujumbura. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le bois de chauffage ou le charbon de bois sont parmi les principaux facteurs de déforestation, comme le constate le professeur d'université expert en environnement Jacques Nguengouloutse, qui précise que le glissement de terrain et le changement climatique sont des conséquences liées à cette déforestation. Cet expert en environnement propose plusieurs solutions, dont l'usage de foyers améliorés, dit Imbabura Ziganyigiti. Les détails avec Vestine Boutoui. Avec la politique forestière de 1969, le résultat escompté était de reboiser 20% du territoire national. En 1993, 10% du territoire national l'était déjà. Malheureusement, en cette même année, la guerre civile a anéanti tous ces efforts et de ce fait, un recul de 100 000 hectares a été enregistré l'an 2000. Mis à part la guerre, l'expert en environnement professeur Jacques Nguengouloutse précise d'autres facteurs de déforestation, entre autres le charbon en bois et le bois de chauffage. Et donc ça entraîne des besoins. Alors des besoins pour l'agriculture, donc il faut déforester, il faut défricher la forêt pour avoir ou cultiver. Mais le deuxième facteur que moi je pourrais citer, c'est les besoins en énergie et en bois pour satisfaire les différents besoins. Mais le bois pour satisfaire les besoins de cuisson au Burundi, je trouve les plus importants. Vous voyez, tout Burundais, ou du moins la plupart, vous allez voir chaque fois que vous allez dans un ménage, vous allez dans un restaurant, vous allez trouver qu'on utilise soit le bois de chauffe, soit le charbon de bois. Et donc, imaginez-vous, si tous les Burundais en ville, même dans les campagnes, s'ils utilisent le bois, c'est un facteur important. Et je viens de vous signaler qu'il nous faut 38% du territoire pour satisfaire les besoins en bois au Burundi. Selon lui, la déforestation entraîne beaucoup d'inconvénients, dont le changement climatique et le glissement de terrain. Les impacts sont multiples, mais avant tout, surtout que le Burundi est accidenté, c'est un pays montagneux, il y a l'érosion qui est importante et qui emporte la fertilité et réduit le potentiel de production agricole pour le pays. Il y a les inondations, les effondrements des routes, des terrains, tout ce qu'on voit actuellement, que ce soit vers les Miguas ou dans le reste du pays, cela a aussi pour origine la déforestation. Et donc, ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est la déforestation pure et simple et du pays qui entraîne finalement une contribution importante dans la dégradation de l'environnement, dans la contribution du Burundi au carbone, donc au changement climatique. Pour faire face à cette situation, l'expert en environnement Jacques Nguengouloutse propose plusieurs solutions, dont le recours à l'utilisation du foyer amélioré dit Imbabura Ziganyigiti. On peut adopter d'autres sources d'énergie. On peut utiliser, je dirais, l'approche technologique pour mieux rentabiliser le bois. Professeur Jacques Nguengouloutse rappelle que grâce aux efforts du gouvernement à travers le programme national de reboisement et récemment le projet Weburundo-Rambaye, les superficies d'avant la crise ont été récupérées. C'était la chronique environnement de Vestine Boutoyi. Ici se referme ce journal à 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.